pa pa pa pa pa pa pa. Olé. Bonjour Pierrot. Bonjour Léna. Comment vas-tu? Génial. On est où? On est à Radio Campus Lille. Ouais. Goodbye Kevin, la 193e. Très bien. Alors aujourd'hui, moi, je ne vais pas beaucoup vous faire voyager, puisque la majorité des artistes que je vais vous présenter sont originaires du Royaume-Uni ou basés au Royaume-Uni. Intéressant. Par contre, en termes de style, vous allez voir que ça bouffe un peu à tous les râteliers. Qu'on puise un peu dans des influences diverses. Plein de styles musicaux, même si ça vient du même pays, c'est ça? Exactement. Alors, en premier, on redécouvrira la pop vaporeuse d'une artiste britanno-pakistanaise qu'on vous avait déjà présentée en 2017, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, tu valideras ou non après quand je la présenterai. Ensuite, petit retour vers la fin des années 90 avec le Down Tempo de Mr. Scruff. On continuera notre remontée dans le temps avec un album sorti en 85 par l'un des membres fondateurs du célèbre trio post-punk The Heat et d'une spécialiste de la radioactivité. Une blague se cache dans cette phrase. Un peu d'afro-jazz ensuite pour vous réveiller avec les fils de Kemet. Et pour terminer, le grand retour de la britano-allemande Annika que vous devriez connaître si vous avez suivi les carrières de Portishead ou de Beak. Ou en tout cas, les productions de Geoff, je ne sais plus comment, de Portishead. Ok. Voilà. Et ben moi, il y aura aussi des Anglais, Léna, de Brighton, qui font du post-punk. Donc c'est des Anglais contemporains, puisque c'est un groupe actuel. Il y aura également des Anglais de Leicester, mais là qui font un punk des années 79, de l'année 79. Des artistes pop de France, qui sont assez célèbres. Je vais finir moi dans ma sélection avec du dub original. Wow, original dub, mix selector. Et donc on va commencer par une artiste qu'on a déjà passée. Oui, il s'agit de Nabiha Iqbal. On vous l'avait présenté courant 2017, il me semble, à l'occasion de la sortie de son deuxième EP Something More, qui était sorti chez Ninja Tune. Elle, Nabiha Iqbal, auparavant, elle était connue sous le nom de Throwing Shade. Pas évident à dire. Et en fait, c'est une animatrice radio, c'est une compositrice et c'est aussi une DJ britannique d'origine pakistanaise. Elle a aussi fait pas mal de partenariats avec la Tate Moderne et la Tate Britain, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le milieu culturel. Voilà, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout ça, elle a également travaillé comme avocate des droits humains en Afrique du Sud. Avant de revenir à ses premiers amours, à savoir la musique, et ma foi, on est plutôt content qu'elle se soit entièrement consacrée à sa carrière musicale, parce que c'est quand même des choses de qualité qu'elle nous fournit. C'était son premier album que tu avais passé Son deuxième EP qui annonçait un premier album. Qui était très très bon. Ouais. Et donc là, on va écouter son dernier single qui est paru en octobre dernier, pas chez Ninja Tune, mais chez The Jazz Diaries. Pourquoi sur ce label-là? Parce qu'en fait, il est sorti dans le cadre d'une compilation qui regroupe pas mal d'artistes d'origine d'Asie du Sud, tout simplement. Et en fait, cette compilation, elle avait pour but de mettre en lumière ces artistes-là, contemporains, mais également aussi, en fait, il y avait un but caritatif, puisque les bénéfices des ventes de cette compile sont reversés et ont été reversés au Human Rights Law Network. En gros, c'est une association pareille à but non lucratif, dont le but, c'est d'aider les acteurs sociaux sur place en Inde en leur proposant une aide juridique gratuite et aussi en facilitant l'accès à l'éducation. Donc, ce morceau... Un peu en rapport avec son premier métier, quoi. Oui, exactement, c'est pour ça que je l'ai précisé. On en reparlera de cette compile parce que j'ai pas tout écouté, mais il y a des trucs très très bons. Et du coup, le morceau qu'on écoute là s'appelle « Is This Where It Ends ?» et c'est Nabiha Iqbal. Thank you. Great Ends de Nabia Iqbal. Toujours pareil, hein, égal à elle-même, assez vaporeux. Toujours pareil, boum boum dans les oreilles. ouais, doux, pas de parole. Pas de parole, j'ai pas l'impression. Voilà, on les entend pas, quoi. Ouais, on les distingue pas. Ah, on ne sait pas. On va partir en Angleterre, comme je l'avais dit. On y reste alors. On y reste. Donc à Brighton, sud de l'Angleterre, sur sa côte, il y a un groupe qui s'appelle Egyptian Blue. Egyptian Blue. C'est un groupe qui est inspiré par des groupes comme les Gangs of Four, Preoccupation, ouais, anciennement Viet Cong, ou encore les Falls, pour les plus jeunes, pour les groupes les plus récents. Que dire ? C'est peut-être le groupe un peu excitant, du moment, quoi, the next big thing. ils ont sorti deux EP, seulement deux pour le moment. Ça tombe bien, je vais vous passer un extrait des deux. Deux EP qui s'appellent Collateral Damage et Body of Itch, tous les deux sur Yalla Music. Et pour le moment, bah, ils font beaucoup de scènes. Il y a un album qui est prévu pour 2011, 2021. Oh là là. C'était il y a 10 ans, comme le temps passe vite. Et comme les salles de concert vont bientôt rouvrir, ils sont prévus en concert au Grand Mix. Ah bah super. Mi-septembre. Donc on va écouter deux morceaux, comme je vous l'ai dit. On va commencer par To Be Felt et juste après Nylon Wire. C'est exactement ça. W-I-R-E. Exact. The Wire. Tu penses à la série. Bah voilà. Sur écoute. Et ma foi, c'est très très bon. Je l'ai dit, c'est un peu post-punk. De toute façon, quand je vous ai dit les groupes, c'était compréhensible que c'était vers ça qu'on allait. Egyptian Blue dans Goodbye Kevin. No! C'était bien efficace, moi j'ai beaucoup aimé. Donc on ira les voir en concert. Je tiens à te le dire, Pierre-François. Merci de... dévoiler ton vrai nom. C'est pas mon vrai nom. Ton pseudo. C'est Pascal, mon prénom. Ton alias. Eh bien, on continue avec Mr. Scruff. Mr. Scruff. Moi, c'est un artiste que j'avais découvert un peu avec Massive Attack, Ninja Tune, tout et ça. Et bah voilà. Ninja Tune, forcément, c'est son label. Il y a 20 ans, quoi. Ouais, bah voilà. Son nom vous dit peut-être rien, mais pour ceux qui connaissent, qui ont suivi un petit peu cette scène-là, la scène Down Tempo, New Jazz, comme on dit, britannique de la fin des années 90, alors vous devez très certainement voir de qui je parle. Pierrot, tu en es l'exemple. L'exemple. Alors, lui, il s'appelle Andrew Carty, de son vrai nom. C'est un DJ anglais. Il s'est fait remarquer dès 94 grâce à ses longs sets et ses petites animations qu'il dessine lui-même. Tu vois, il projette des petits dessins animés. Et avant, il s'était fait remarquer en cinquième parce qu'il était au fond du radiateur et il foutait le bordel. Du coup, il a un petit personnage qui s'appelle Mr. Potato ou Doodle ou je sais plus quoi. Ah ouais. Un truc comme ça. Bon, bref. Du coup, en fait, il va vite se faire remarquer par Ninja Tune et il va rejoindre leur écurie, comme on dit. Voilà. Et en plus de ça, il y a un de ses morceaux qui est mondialement connu parce qu'il a été exploité, mais largement par la publicité, que ce soit en France, en Angleterre et tout. Donc, vous êtes forcément tombé dessus à un moment donné, que ce soit à la radio ou à la télé. Ou en faisant vos courses. Ouais, voilà. Franchement, voilà. Alors, je vais pas vous le chanter. C'est pas le morceau qu'on va passer. Du coup, niveau musique, tu disais Massive Attack, c'est très bien parce que moi, j'allais dire qu'on se situe bien avant l'apogée des Wax Taylor, RJD2, Chinese Man et compagnie. Mm-hmm. Et qu'on est même à un level au-dessus, sans vouloir les dénigrer, eux. Eh non, on les dénigre pas. Voilà, on est hors classe. En parallèle à ça, lui, c'est un illustrateur, je l'ai déjà dit, il fait des petites BD. Et il possède sa propre marque de thé. Voilà. Alors, Make Us a Brew. Que demande le peuple. Alors que tu pourrais penser que c'est un mec. Waouh. Et en fait, non, il a sa petite marque de thé, tranquille. Dis donc, voilà. J'ai une petite marque d'ecstasy, si vous voulez aussi. De Taz, en fait, je voulais dire. De Taz. Voilà, vous savez tout. Il est maintenant temps d'écouter un extrait de son deuxième album, Keep It Unreal, qui était sorti en 99 chez Ninja Tune et qui avait mais cartonné, ça s'est vendu à je ne sais pas combien d'exemplaires. Donc le morceau s'appelle Chipmunk, vous allez voir, c'est pas mal. Voilà, voilà. C'était Chipmunk de Mr. Scruff. C'est marrant, le début, ça faisait un peu électro, tu sais, tout, on va danser. Voilà. Et à la fin, ça faisait un peu... Musique d'ascenseur. Voilà. Tu t'amènes tes mots, c'est tes phrases. Marrant, ouais, c'est ouais, dingue. C'est dingue comment ça peut être dans tous les styles. Et pareil, pas de paroles. Pas de paroles, pas non. De paroles, on a décidé d'ailleurs, de pas chanter. D'ailleurs, je suis pas certaine que j'ai beaucoup de paroles après. Ah si, si, j'ai des paroles, je n'ai que ça. Mais moi aussi, j'aurai un morceau pas de paroles. Ah bah voilà. Pas de paroles. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de paroles. Hein. C'est vraiment, on dit plus instrumental, on dit pas de paroles. Ouais, pas bah paroles. La flemme. Le style pas de paroles. Et ben moi, dans mon prochain groupe, il y a plein de paroles, puisqu'en plus, vous allez les comprendre, puisque c'est en français. Super. Un groupe que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui. La Femme. Ah oui. Groupe hein, qui est clivant, hein. Il plaît, il ne plaît pas, en tout cas il va dans tous les sens. Pourquoi La Femme ? Parce qu'ils viennent de sortir il y a 2-3 semaines un troisième album, encore un double album, donc avec beaucoup de morceaux, toujours édité chez Born Bad et chez Disque Pointu, Born Bad pour la version vinyle. Et bah, c'est un peu toujours la même formule, même s'ils vont vers des sentiers peu battus. C'est un mélange de surf, pop 60s et synthétique pop. Donc c'est pour moi c'est un disque, en tout cas comme ils l'ont présenté, mais même c'est un disque qui est assez ambitieux, qui s'appelle Paradigme, qui va dans tous les styles et qui n'hésite pas à expérimenter tout en gardant son côté pop originel. On retrouve la patte de La Femme avec les voix féminines et leurs voix eux, qui sont à moitié chantées, pas chantées, tu vois, qui... Scandées. Ouais, et puis ce petit air, pas scandé, mais ce petit air que t'as en boucle dans la tête... je vais peut-être vous passer deux morceaux. Il y en a un, ça sera un des plus connus. Mais je vais commencer d'abord par le morceau Va, qui pour moi est un espèce de western à la Ennio Morricone, musique de western, mais un peu orientale. Et toujours avec ses voix féminines, que je trouve très très cool. Donc Va, on va le passer. La Femme. Thank you. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ouais, et bah moi c'est le morceau coup de cœur. Ou en tout cas, écoutez tout l'album, vous allez voir, il est assez chouette. Il est, vous pouvez ne pas tout aimer, mais en tout cas, c'est intéressant. Et ce morceau, il arrive sur la fin. Là, je crois que c'est l'avant-dernier. Va, c'est le nom du morceau. Et je le trouve super. Va, va, va. Voilà, c'était la femme. Ah, mais je pensais que tu passais deux morceaux d'affilée, non ? Non, non, ça, c'est peut-être pour la fin. Ok, il nous reste encore un petit peu de temps. Eh bien, moi, je vais vous parler de Flaming Tunes. Flaming Tunes, c'est l'histoire de Garrett Williams, ancien membre fondateur du trio post-punk This Heat, qui enregistre en 1985 avec son ami Marie Curie. Ah, c'était pour ça la radioactivité ouais, au c'est début. C'est pas la même. Il enregistre une cassette éponyme composée d'une bonne dizaine de chansons lo-fi, à la fois lumineuses et accidentées, à des années-lumière du son de This Heat, excepté pour l'aspect un peu collage sonore et bruit. Mm-hmm. Mais on reste dans des trucs assez mélodiques quand même. La cassette a été rééditée en 2012 sur le label Blackest Ever Black, mais était initialement sortie chez Contagious Tapes. Du coup, le morceau qu'on écoute, c'est Breaststroke et, de Flaming Tune, et c'est vraiment pas mal. C'était Breaststroke de Flaming Tunes. Je crois qu'il est décédé en 2001, Garrett Williams. Donc, tu peux te dire tout le mal que, t- que tu penses d'eux. Bah, paix à son âme, hein, comme on dit. Ouais, donc un peu particulier, effectivement. Je vous cache pas que ça, c'est le morceau le plus abordable de la cassette. Voilà, après, je pense que c'est intéressant d'écouter. Non, mais non, moi, oui. J'aime bien ce genre de. C'est intéressant, de bah, choses c'est un peu dissonantes. Les collages, tout ça. Là. Exactement. Hein. Accidenté. Oui. Des bumps on the road. On va écouter un groupe culte. En tout cas, un groupe qui était encensé par John Peel à l'époque, les Disco Zombies. Pourquoi on va écouter un extrait de cet artiste, de ce groupe? Mais parce qu'il y a une compilation qui vient de sortir chez Optic Nerve Recordings, une compilation qui s'appelle South London Stinks. Le Londres du Sud pue. Voilà, il est bien dit, les nouilles. Donc c'est 20 titres qui ont été enregistrés en 78. Et... ça reprend bah, ce groupe punk Do It Yourself, c'est la cantine, de Leicester. Youssef, c'est le voisin. Youssef, c'est notre voisin ? Non. Il s'appelle Youssef, le voisin. Mais non, mais tu te rappelles le monsieur qui fait Do It Yourself ? Ah c'était oui ! C'était son label. Label lillois. Voilà. Bref, on va écouter un morceau qui est une tuerie, Drums Over London, des Disco Zombies. Je le mets. On en parle juste après, vous nous dites ce que vous en pensez. A tout de suite dans Goodbye Kevin. Primitive chance. à London. Je peux vous conseiller un autre morceau, Top of the Pops, de ce groupe, comme l'émission anglaise. C'est facile à retenir au moins. Et moi je trouve qu'il y a un... Ça me fait penser aux Undertones, voilà. Chouette. Alors bah, là on va aller à l'opposé, hein, dans un style diamétralement différent, avec les Sons of Et toujours anglais. Toujours anglais, les Sons of Kemet. C'est encore des artistes qu'on vous a déjà présentés dans l'émission, c'était toi Pierrot je pense. Les Sons of Kemet, c'est un groupe de jazz britannique actif depuis à peu près 2010-2011 qui en fait, en gros, il y a un saxophoniste et clarinettiste, il y a un mec qui joue du tuba, un tubiste, un tubeux, un tubite. Elle dit un gros mot. Et deux batteries. Et ils fusionnent des éléments de jazz, de rock, de folk caribéenne et de musique africaine. Là, ils viennent tout juste de sortir leur quatrième album le 14 mai dernier sur le label Impulse Records, label américain. Et le morceau très dansant que j'ai sélectionné, c'est une collab avec Moore Mother, qui est une poète, musicienne et militante de Philadelphie, et Angel Bat David, qui elle est une clarinettiste américaine qui vient de Chicago, et elle fait plutôt du spiritual jazz. De toute façon, Son of Kemet, ils sont sur cette lignée de spiritual jazz, notamment porté par le leader Shabaka Hutchings, qui il est au sax. Ouais, et c'est lui qui fait le sax et la clarinette. Et du coup, le morceau qu'on va écouter s'appelle Pick Up Your Burning Cross. Si on a le temps, on en repassera un autre. Globalement, j'ai écouté tout l'album, on est sur des choses très dansantes. Très dansante, mon Pierrot. Donc on n'est plus trop dans le spiritual jazz. Là, on est plutôt dans les trucs tin. Enfin, tu vas voir. Donc on écoute les Sons of Kemet avec Pick Up Your Burning Cross. Thank you. C'était Sons of Kemet, Pick Up Your Burning Cross. Et si vous nous avez suivis, vous avez dû entendre une fois qu'on avait passé Comet is Coming. The Comet is Coming. C'était le nom du morceau ou c'était le nom du groupe? Et du coup, ça ressemble énormément, forcément, puisque Pierrot... C'est le même leader, Shabaka Ching. Exactement. Voilà. On va partir sur... C'est tout, Léna? Bah oui, c'est tout, c'est déjà bien. Hein. Ah ouais. On va partir sur du classique, encore, quoi, du classique. Sauf si vous n'écoutez pas de reggae ou jamais, on va écouter un morceau de Augustus Pablo. Augustus. Un artiste majeur de la scène reggae, et plus particulièrement dub, et notamment avec son instrument fétiche, le melodica. Ah, oh, bah parfait. Donc voilà, sur ces morceaux, bah, la voix elle est très peu présente, mais il y a le melodica qui arrive par parcimonie. Qui vient ramener des petites mélodies charmantes. Comme le morceau qu'on va passer, Up Warwick Hill, issu d'une compilation qui était sortie en 79 chez Greensleeve Records, compilation qui s'appelle Original Rockers, qui est enregistrée à la base entre 72 et 75. Voilà. C'est très très bien, très bon à savoir. Tout de suite, Up Warwick Hill dans Goodbye Kevin. We'll be right back. Et voilà. Oh non, non, ça c'est pour après. C'est bon, hein. Je suis trompé de bouton, c'est pour ça. C'est un bon petit dub comme on aime bien. Hein. Moi, ça fait toujours plaisir d'écouter ça. C'est ce que j'allais te dire. On est bien avec du dub, Léna. Donc, on voilà. est bien avec T'as répondu, du dub. Et donc, qu'est-ce qu'on a entendu là en petit fond comme ça? C'est un des morceaux un peu tubesque du dernier album de La Femme. Ah oui, que tu nous réserves pour la fin. Que je vous réserve maintenant. Ah oui. Ah, du compas. Ah, j'avais pas compris. Non, bah non, on n'écoute pas. Bah oui, je pensais qu'on passait mon morceau et après le tien. Et on n'écoute pas. Je vois qu'on n'écoute pas, on n'est pas attentif. Bah non, j'ai pas écouté du tout. On est sur son téléphone, oui, on n'écoute pas. Oui, c'est vrai. Mais elle coupe pas. Mais elle coupe pas. Donc, le morceau en question, c'est Cool Colorado, toujours issu du dernier album Paradigme. Et il est cool. Colorado. A dit que le groupe La Femme chantait qu'en français. Elle chante en anglais, hein. Avec un bon accent. Ça nous plaît bien, ça. Bah, voilà. Il est temps de se dire au revoir. De se dire au revoir et de se dire à la semaine prochaine. C'était l'émission 193 de Goodbye Kevin. En compagnie de Charlie et Lulu. Et Léna et Pierrot. Oui. Et voilà, à la semaine prochaine, restez sur Radio Campus Lille. Bonne radio, bon endroit, bon moment, tout le temps. Même la nuit. All the time.